Michael, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, mbele ya Mungu wetu siku na uchana, et ils l'ont vaincu, nao wakamshinda, à cause du sang de l'agneau, kwa damu ya mwana kondo, et à cause de la parole de leur témoignage, na kwa neno la ushuda yao, et ils n'ont pas aimé leur vie, ambao hawakupende maisha yao, jusqu'à craindre la mort, hata kufa. La Bible dit ceci, Biblia nasema hivi, il y guerre au ciel. Kulikuya ukomvi mbinguni. Et pendant qu'il y avait la guerre au ciel, na wakati kulikuwa iyo vita, il y avait deux camps. Kulikuya makambi mbili. Le camp de Michael et ses anges, kambi ya Mikaeli na wamalaika zake, et le camp du dragon et ses anges, na kambi ya joka na wamalaika zake. Bien-aimé dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, il y avait la guerre. Kulikuya ni ukomvi. Et quand ils ont commencé à se confronter, wakati walianza kupigana, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, le diable, Ibilisi, ainsi que ses acolytes, hivyo na wale wa malaika zake, ils n'étaient pas forts. Hawakukua na nguvu. Ce que j'aimerais dire à l'église, ile napenda sema na kanisa, ce que vous devrez savoir, ile mnabidi kujua, celui qui est en nous, mwenye anakuwa ndani yetu, il est plus fort, yeye eko nguvu, que celui qui est dans le monde. Donc Jésus-Christ, hein, est plus fort que le diable. C'est pourquoi la Bible dit ceci, ils ont vaincu le diable. On l'a précipité sur la terre. Et la Bible dit ceci, maintenant, le salut est arrivé. Bien aimé dans le Seigneur, l'heure qui sonne, c'est pour le salut des âmes. Le temps que nous allons traverser ici à Likasi, c'est pour que les âmes soient sauvées. Parce que Jésus-Christ, hein, a déjà remporté la victoire. Le diable est déjà précipité par terre. C'est pourquoi ce soir, nous allons tout simplement nous aligner dans les combats. Parce que nous sommes dans la victoire. La Bible dit ceci, Dieu parlant à Josaphat, tu iras te présenter seulement au champ de bataille. Parce que je vous ai déjà donné la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit dit ceci cet après-midi, nous c'est question seulement d'aller se présenter à la gare, d'aller seulement se présenter dans l'évangélisation. Parce que l'heure qui sonne, hein, c'est pour le salut des âmes. Jésus-Christ, hein, avec son épée dans la main, il est devant nous comme étant le général de l'armée céleste, comme étant le défenseur des peuples de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons marcher derrière notre général. est Jésus-Christ. Il a déjà remporté la victoire. Il y a plus de 2000 ans. Quand il était monté à la croix, quand il avait livré un spectacle, les diables ainsi que ses acolytes, bien aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous allons nous tenir debout. Et devant nous, les généraux de l'armée céleste, Jésus-Christ. C'est pourquoi sans pour autant de perdre le temps, je demande à toute l'église, nous allons nous tenir debout. Bien aimé dans le Seigneur, tenons-nous debout. La Bible dit ceci: c'est l'heure de salut des âmes, c'est l'heure d'aller dépeupler le royaume des ténèbres, les flamassons, les maïkaris, les incancars, cet après-midi sauront que Dieu, que nous prions, que nous allons inviter ce soir, qui est devant nous, les généraux de la reine céleste, a déjà remporté la victoire. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, notre première intention de prière, nous allons donner notre première intention de prière, le salut des âmes. La Bible dit ceci: le rachat de leur âme coûte cher. Bien aimé, pour qu'une âme se convertisse au Seigneur, le prix équivalent qu'on peut attribuer à une âme, il n'y a que le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. J'aimerais dire ceci à l'église du Seigneur: bien aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus coulait avant la fondation du monde pour le rachat de l'âme. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons nous engager dans la bataille. Chacun de nous va prendre son épée qui est la parole de Dieu. Vous allez déclarer tout haut que Dieu, nous avons besoin que les hommes soient sauvés pendant les 2 jours. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons entrer dans la prière. Chacun de nous va commencer à confesser le salut. Le salut des âmes pendant les 2 jours, la parole qui sera prêchée, la musique qui sera chantée, que les âmes soient touchées et qu'ils soient sauvés. Nous allons nous plonger dans la prière. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions bien aimés dans le Seigneur. Éternel Dieu des armées, je viens me présenter, Seigneur, ce soir au devant de ton trône de ta grâce, parce que tu es le Dieu tout-puissant. La Bible dit ceci: les rachats de leur âme coûtent cher, éternel notre Dieu. Aucun prix, Père éternel, sur cette terre n'a la capacité de sauver les âmes de mon frère et de ma soeur. Yo komana ba wakati amangari bielo ikona kucha bela kichikezi kya ikonenda ku declarer katika jina la Yesu manafsi yote inesha kufungwa inesha kunaswa ndani ya dunia ya giza kupitia wacha kupitia tabalozi baba mangari bielo katika jina la Yesu ikona kucha bela kichikezi kya ikonenda ku declarer ku jina la Yesu acha baba ya acha kukuya mwenye magari ya lo ikwereza kunaswa magari ya lo kena kwana na kika jina la Yesu mwere masa kete deja nike dans le monde des ténèbres, qui était déjà lié dans les séjours des morts. Ma vie, Père éternel, le mariage, l'éternel, notre Dieu, les maisons, l'éternel, notre Père, Papa, tu n'as pas de manger de l'eau, et la qui dit Jésus-Christ, tu pourrais t'avoir déclaré, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Papa, tu as dit que tu n'as pas de l'eau, défends nos inefficacités, défends nos échecs, nous sommes déjà humiliés. Oui, c'est pourquoi, Seigneur, dans cette bande, dans cette opprobre, Papa, tu n'as pas de l'eau, Seigneur, la Bible dit, pendant 21 jours, il y avait une résistance. Église de Dieu, l'homme de Jacob, avait fait 20 ans chez son oncle Laban. Son salaire était falsifié 10 fois. À la 21e année, Dieu lui avait accordé la délivrance. Il devrait quitter la maison de l'esclavage. Il devrait sortir dans son humiliation, dans son opprobre. C'est pourquoi notre deuxième intention de prière, bien-aimés, nous étions dans la honte. Nous étions humiliés. Nous étions dans les échecs. Mais ce soir, le général de l'armée céleste, Jésus-Christ, est venu pour nous relever, pour nous faire partir à notre 21e année. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons rentrer dans la prière. Nous allons dire ceci à Dieu. Tous nos frères et toutes nos sœurs qui étaient captifs pendant plusieurs années dans les ténèbres, que Dieu leur accorde le secours, la délivrance et qu'un nouveau départ commence à partir du 30 et du 31. Entrons dans la prière et nous allons prier pour le départ de nos frères. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, Merci éternel notre Dieu, merci pour ta fidélité. Bien-aimé, notre troisième intention de prière, nous allons maintenant utiliser le sang de Jésus. Même en Égypte, on a fait des miracles et des miracles. Il n'y avait pas de départ. Il n'y avait pas de salut. Mais quand on avait pris le sang de l'agneau et quand on avait mis ça sur les lintons des portes et des fenêtres, bien-aimé, le départ était arrivé. C'est pourquoi ce soir, nous allons demandez le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous accorde la victoire sur toutes les puissances de l'ennemi. Nous allons prier, inviter le sang de Jésus, le sang qui crie. Plus que le sang d'Abel pour le salut des hommes, nous allons entrer dans la prière. Nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous accompagne dans cette grande bataille pour nous accorder la victoire sur le monde des ténèbres. Prions au nom de Jésus-Christ. Baba, Mangaribia, Seigneur, demande-nous de pouvoir rien. Nous venons s'éclairer ce soir au devant de ton trône et de ta grâce. Implorer le sang de Jésus, le sang de la Dieu, le sang du Fils de Dieu, le sang qui parle de Dieu, puisque le sang d'Abel, le sang qui détient, les propriétés de ton assurant. Chacun de nous va prendre son épée. La Bible dit que Michael avait l'épée qui était nue. En d'autres termes, l'épée n'était pas dans son étui. C'est pourquoi ce soir, chacun de nous va tirer son épée. Qui est la parole de Dieu. Nous allons brandir l'épée. Et ce jour-là, je me souviens, lorsque Salomon avait brandi l'épée devant la grande discussion de ces deux femmes. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une grande discussion qui se passe entre le monde des ténèbres et le monde de Dieu. C'est pourquoi ce soir, pour arrêter la discussion, pour arrêter la contestation, chacun de nous va prendre son épée qui est la parole de Dieu. Nous allons soulever nos épées. allons confesser, nous allons déclarer, la victoire appartient à notre Dieu. C'est Jésus-Christ qui est victorieux. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons démontrer noir sur blanc devant les diables qu'il a déjà échoué. Parce que Jésus a déjà vaincu à cause de la parole et de notre témoignage. Nous allons entrer dans la prière. Chacun de nous va déclarer par la parole de Dieu que Dieu nous a déjà donné la victoire. Nous sommes victorieux. Nous sommes des vainqueurs. Passons par la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions bien aimé dans le Seigneur. Confesse la victoire. Baba mujina la Yesu. Je le crois dans les fins fonds de mon cœur. Les diables ont déjà perdu. L'ennemi a déjà perdu. Ce jour-là, tu avais déclaré devant ton serviteur, ton enfant, d'aller tout simplement se présenter au front sur le champ de bataille parce que les combats. Merci à notre Dieu. La Bible dit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi nous allons confesser la victoire d'avance d'une manière anticipative pour les deux jours, le 30 et le 31, nous allons confesser la victoire, le salut des âmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons dire merci à Dieu parce que la Bible dit ceci: si vous êtes fidèle et docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. C'est pourquoi nous allons dire merci à Dieu parce qu'il vient de nous donner la victoire ce soir avant les 30 et les 31. Dis, remercions Dieu. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Parce que tu viens de nous donner la victoire ce soir. Ce jour-là, tu avais déclaré à ton serviteur Josaphat d'aller se présenter uniquement au champ de bataille, car la victoire t'appartenait. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, pour la barrique que vous pouvez voir, on va passer matin ensemble. Ça va beaucoup plus. Nous allons nous mettre en attitude de prière, nous allons nous asseoir. Père, nous te disons merci ce soir. Parce que ces jours-là, tu avais dit à ton serviteur Josaphat d'aller tout simplement se présenter au champ de bataille. Parce que la victoire, c'est toi qui l'accordes. Et Seigneur, ce soir, dans ces mêmes lancers, tu viens encore de nous accorder cette victoire. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Nous te disons sincèrement merci. Parce que ce soir, les générales de l'armée céleste, Jésus-Christ vient de se présenter devant nous. Les voilà en train de marcher devant nous. Les voilà venir nous donner le secours. C'est pourquoi ce soir, je proclame la victoire, le salut des âmes dans cette ville de Likasi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci. Nous bénissons ta fidélité. Nous bénissons ta grâce. Parce qu'il est écrit, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Honneur, louange et gloire te soient rendues. Nous prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous.